Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait et le pays devint la propriété de Pharaon. Il fit passer le peuple dans les villes d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres, qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Joseph dit au peuple, « Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence et vous pourrez en semencer le sol. À la récolte, vous donnerez un cinquième à Pharaon et vous aurez les quatre autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. » Ils dirent, « Tu nous sauves la vie. Que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur et nous serons esclaves de Pharaon. » Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour et d'après laquelle un cinquième du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient point à Pharaon. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte et les jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et use envers moi de bonté et de fidélité. Ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte, et tu m'enterreras dans leur sépulcre. » Merci Jean-François. Joseph répondit, « Je ferai selon ta parole. » Jacob dit, « Jure-le-moi », et Joseph le lui jura, puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Donc, comme je l'ai dit, c'est un long chapitre, il y a beaucoup de choses. Puis vous savez, un long texte, ça appelle une longue étude. Puis moi, j'aime les détails. Alors, on va rester ici. Puis je suis capable de livrer en plus, fait que je vais vous livrer un long texte, une longue étude avec beaucoup de détails. Ça vous convient? Peut-être. Peut-être vous ne souperez pas. On est tellement passionné par le sujet. Non, juste rapidement, on remarque que le texte qu'on a sous les yeux est constitué de trois grandes parties. Il y a tout d'abord l'entrevue des frères et du père de Jacob avec Pharaon. La partie centrale est consacrée à la gestion de la famine par Joseph. Puis on termine à partir du verset 27. C'est le début du récit qui est consacré au dernier jour de Jacob. Jacob entre à ce moment-là dans un vieil âge paisible, dans le havre de repos qu'il n'a jamais connu durant sa vie. Hein? Il a enfin trouvé un havre de repos en Égypte, et en Égypte après une longue vie d'adversité, et surtout auprès de son fils qu'il a enfin retrouvé. On va commencer par Joseph, ses frères et son père devant le Pharaon. Hein? On va y aller de façon analytique. On a remarqué que le Pharaon a déjà conféré une faveur à Joseph, on l'a vu dans les chapitres précédents. C'est un sujet de grâce pour Joseph, cette faveur du Pharaon. Et non seulement le Pharaon il est bienveillant envers Joseph, mais à cause de Joseph, tout particulièrement à cause de son bon service, il a décidé d'accorder à la famille de Jacob à peu près les mêmes privilèges que ceux accordés aux prêtres de la religion égyptienne. C'est-à-dire des terres en pleine propriété, mais également des distributions de pain. Joseph, c'est un grand parmi les grands du royaume de Pharaon. Il aurait pu avoir honte de ses frères, hein, qui sont de simples nomades, de simples bergers. De simples bergers venus faire quoi en Égypte? Quémander du blé, parce qu'il avait faim. Joseph aurait pu avoir honte de ses étrangers sur les bords suspects d'être des espions ou des voleurs. Et on l'a vu auparavant, le mode de vie des bergers nomades et sémites de surcroît, c'est en horreur aux Égyptiens. Mais c'est mal connaître Joseph, parce que ses frères, il les reconnaît devant tous. Il les reconnaît devant Pharaon. Et pour Pharaon, du point de vue de Pharaon, il suffit que ce soit les frères de Joseph pour que la gloire de celui qui a sauvé l'Égypte, c'est-à-dire Joseph, rejaillissent sur eux tous. Encore une fois, ici, on voit que Joseph est présenté dans le texte comme un type de Christ. Sous cet aspect encore, on retrouve Jésus. Tu sais, Jésus, tout comme Joseph avec ses frères, Jésus n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. Puis c'est à cause de Jésus que Dieu nous accueille, en passant, avec faveur. Nous, on a été les objets de cette grâce-là, à travers son Fils bien-aimé. Au verset 7, Joseph va présenter son père Jacob au pharaon, toujours plein de bienveillance. Et c'est une scène, on peut le dire, assez touchante. On voit un pauvre vieillard là, qui a vécu quand même de longues années, qui se tient devant le pharaon. Et ce vieil homme-là bénit le roi d'Égypte. Donc l'homme de Dieu devant l'homme du monde. Est-ce que c'est incongru que l'homme de Dieu, le faible, le bénisse le puissant? Pas tant que ça si on se rappelle le récit de l'entrevue d'Abraham avec Melchizédek. On se souvient des deux selon l'appréciation divine ici, là. C'est l'homme de Dieu qui est le plus excellent. Je cite Hébreux 7:7, là, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur ici. L'homme de Dieu est plus puissant et plus grand finalement que le roi d'Égypte. Puis Jacob aussi a des raisons toutes personnelles de bénir Pharaon. Hein? Pharaon a été une bénédiction pour la famille de Jacob. Il a été une bénédiction pour son fils Joseph. Puis en retour, Pharaon va interroger Jacob sur sa vie. Jacob répond qu'elle a été courte et mauvaise. Hein? Les épreuves ont été nombreuses. Je détaille ici là, tout ce qui s'est passé rapidement dans la vie de Jacob. Le conflit avec son frère Ésaü, il a quitté sa famille sans revoir sa mère, il a eu la servitude chez Laban, tout ce qui s'est passé successivement, les années de servitude chez Laban, là, lorsqu'il a travaillé pour Léa, travaillé pour Rachel, travaillé pour ensuite se constituer des troupeaux, les conflits familiaux entre ses deux épouses, ça draine l'énergie d'un homme, je peux vous le dire. Il a eu la mort de sa femme préférée ensuite, la perte de Joseph, ses enfants qui ne se comportaient pas toujours très bien, le viol de Dina, et ensuite la famine. Les difficultés matérielles aussi, c'est une charge mentale. À partir du verset 11, on voit que Jacob et sa famille vont prendre possession du pays de Goshen, la meilleure partie du pays d'Égypte. Hein, c'est situé dans le delta, à l'est du delta, pays fertile. Et cette terre-là, c'est Joseph qui l'a leur réservée avec l'autorisation du pharaon. Et les Hébreux vont s'établir là, séparés des Égyptiens. Et ce qu'on remarque par la suite, c'est que pendant que les Égyptiens vont se départir de tout ce qu'ils possèdent pour pouvoir se nourrir, les Hébreux, pendant ce temps-là, vont profiter. Non seulement ils ont reçu des propriétés, mais leur nombre va s'accroître considérablement. On sait qu'ils vont prospérer, ils vont se multiplier au fil des générations. Tout ça parce que Dieu prend soin de son peuple à travers tout ça. À partir du verset 28, le texte se recentre sur Jacob. Là, je fais un saut, là. Je vais aborder la gestion de Joseph un peu plus tard. À partir du verset 28, on voit que la longue vie de Jacob est sur le point de se terminer. Je l'ai marqué ici en arrière. Jacob arrive en Égypte à 130 ans. Il va vivre 17 ans en Égypte. On sait qu'il meurt à 147 ans. Bon, on l'a vu tout à l'heure, il a reconnu devant le pharaon que ses jours avaient été courts et mauvais. On sait qu'il a passé par de pénibles expériences toute sa vie. Et il est forcé d'admettre que la durée de sa vie ne sera pas aussi longue que celle de son père Isaac, ni celle de son père Abraham. Mais quoi qu'il en soit, c'est Joseph qu'il fait venir auprès de lui pour lui demander quelque chose. En fait, Jacob s'y reconnaît que parmi tous ses descendants, Joseph, c'est vraiment l'élu. Hein, c'est l'élu que Dieu a agréé pour l'accomplissement de la promesse qui lui a été faite, ainsi qu'à Isaac, ainsi qu'à son père Abraham. La suite de la promesse, Jacob le reconnaît, c'est par Joseph que ça va se dérouler. Puis non seulement il le fait venir auprès de lui pour, on peut le comprendre, lui donner un dernier signe d'amour, mais implicitement, il reconnaît aussi la grandeur de son fils. C'est pour ça que Jacob va demander à son fils, d'ailleurs, de mettre une main sous sa cuisse. Ça, c'est une ancienne forme d'adjuration, une ancienne forme d'imploration, de supplication. Jacob demande à son fils d'être enterré parmi les siens, c'est-à-dire en Canaan, dans la grotte de Macpéla, dans le caveau familial de la grotte de Macpéla. Puis cette demande-là du vieux patriarche, là, ça démontre quoi avant toute chose? Ça démontre son attachement à la promesse certaine de Dieu, bon, qui met un certain temps à s'accomplir, mais Jacob y est toujours attaché et il y croit toujours à cette promesse-là. On remarque aussi que le songe que Joseph avait fait enfant, vous vous souvenez, le soleil, la lune, les étoiles, mais elle trouve ici son accomplissement parce que Jacob est maintenant redevable à son fils Joseph. Donc, une fois le serment effectué, hein, Joseph prête serment d'enterrer Jacob en Canaan, Jacob va se prosterner au chevet de son lit où, selon Hébreux 11, hein, selon la version d'Hébreux 11, 21, il adora, appuyé sur le haut de son bâton. Quelle que soit ici la position exacte de Jacob, il reste que son attitude en était une de dévotion. Maintenant que Jacob était rassuré quant à l'avenir, quant à ses propres funérailles, il pouvait enfin être reconnaissant envers Dieu qui lui assurait une si belle fin. Après tant d'épreuves, Jacob pouvait enfin vivre une vieillesse paisible. Il ne lui restait plus qu'à mourir en paix. Et c'est ça que Jacob fait ici. Il remercie Dieu. On va passer à la famine, la partie centrale. Les versets 13 à 26 sont consacrés à la sécheresse et à l'administration de Joseph durant cette période-là. Bon, de quel type de sécheresse s'agit-il? Si vous avez une idée un peu de la géographie de l'Égypte, l'Égypte, c'est un don du Nil, nous dit Hérodote. C'est pas un pays dont la fertilité est assurée par des pluies. C'est un pays dont la fertilité est assurée par l'apport des crues du Nil et du fait que le fleuve charrie du limon à chaque année qui est fertile. Bon, de quel type de sécheresse s'agit-il et pourquoi ça affecte autant l'Égypte? On ne le sait pas vraiment. Difficile de savoir. Puis le texte qu'on a sous les yeux est assez avare de détails météorologiques ou hydrologiques, là, ça, on n'en a aucune idée. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une famine, une longue famine, qui va en s'aggravant, on dit en s'apaisantissant, durant sept longues années. Dites-vous qu'une famine, une année, ça supporte, on vit sur ses réserves, mais lorsque ça s'allonge, les réserves sont mangées. Et les effets sont de plus en plus graves d'une année à l'autre. Donc, en Égypte et aussi en Canaan, c'est une crise de subsistance qui s'installe. Donc, pendant les deux dernières années de cette famine-là, on sait qu'elle fut très sévère en Égypte et au pays de Canaan. Toutes les réserves privées de blé ont été épuisées, donc toutes les réserves que les particuliers avaient, que les paysans avaient chez eux, étaient épuisées. Et tout l'argent du pays d'Égypte et de Canaan avait été dépensé pour acheter du blé afin de se nourrir. Pour acheter du blé auprès de qui? Auprès du gouvernement de Joseph. Et la famine traîne et traîne. Désespérés, les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont approcher Joseph. Ils vont lui rappeler leur situation critique. Et Joseph le sait très bien, bien qu'il ne leur reste plus d'argent, il reste quand même les troupeaux. Donc Joseph leur propose ceci. Il leur propose d'acheter leurs troupeaux contre du blé. Et il faut le dire aussi, au point où ils en étaient, les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils auraient fait de leur bétail? Parce que le bétail, c'est bien beau, mais il faut le nourrir. Avec quoi on le nourrit? Avec des pâturages et du grain. Donc, si le bétail était resté leur propriété, ben, il y aurait certainement péri ce bétail-là. Et qui d'autre que Pharaon, aurait été intéressé à acquérir du bétail dans ces temps-là. Hmm? Parce que seul Pharaon disposait encore de suffisamment de ressources pour pouvoir nourrir ce bétail-là jusqu'à la fin de la sécheresse. Donc, en ce sens-là, on peut dire que Joseph a fait une faveur aux Égyptiens en prenant leur bétail puis en l'échangeant pour du grain, afin qu'ils survivent. Et la vente de leur cheptel a permis aux Égyptiens de vivre une année supplémentaire. Mais l'année suivante, les Égyptiens se sont trouvés encore une fois acculés à la famine. Et c'est ainsi qu'ils vont faire une nouvelle fois appel à Joseph pour du grain. Donc, il n'y avait plus ni argent, ni troupeau, mais ils possédaient encore quelque chose. Leur terre et le travail de leurs bras. Donc, là, cette fois-ci, ce n'est pas Joseph qui fait la suggestion, ce sont les Égyptiens d'eux-mêmes qui font une suggestion. Ils disent « Échange-nous du grain contre nos terres et nos bras. » Marché agréé, marché conclu. Désormais, les terres appartiendraient au Pharaon. Et les Égyptiens accepteraient même de devenir les esclaves de Pharaon. Donc, Joseph accepte. Il accepte de fournir du grain et il accepte aussi de fournir de la semence pour le moment où la famine prendrait fin. Parce qu'il faut penser à réensemencer les champs pour éventuellement espérer récolter du grain. La sécheresse a pris fin finalement, hein, puis le temps de semer est arrivé. Genèse 47, là, 18-19. Juste un détail, hein, les terres, on sait que les terres ont changé de main ici. Il y a eu un grand mouvement de transfert de propriété. Et toutes les propriétés appartenant auparavant aux paysans libres ont été recueillies, acquises par Pharaon. Le nouveau propriétaire étant le chef de l'État égyptien, là, pour reprendre une formule d'Astérix, c'est-à-dire le Pharaon. On remarque une chose aussi. Il y a deux autres groupes dans la société, ou deux autres groupes de personnes dans la société qui vont échapper à ce mouvement de transfert de terre. Les Israélites, on sait que les Israélites acquièrent des propriétés au pays de Goshen, des propriétés en pleine possession. Et il y a les prêtres également. Tout comme les Israélites, la classe sacerdotale était protégée en Égypte. Et ça, Joseph n'y touche pas. Au verset 21, on voit que les gens ont été amenés des campagnes aux villes. C'est un peu ambigu, cette formule-là, mais ce qu'on peut en conclure, c'est que pour recevoir du grain, c'est plus facile de transporter la population dans les villes, parce que c'est là que se trouvent les entrepôts. Mais on peut supposer, puis là, c'est juste une supposition ici, qu'en déplaçant les gens, c'est plus facile de les arracher définitivement à leur terre et d'enlever tout lien affectif. Donc, ça facilite le transfert de propriété. Ça le rend plus incontestable, ça le rend plus permanent. Donc, les termes de l'esclavage des Égyptiens ont été décidés par Joseph, au verset 23-24. Donc, Joseph acquiert à la fois les gens et il acquiert les terres pour Pharaon. Et quand la famine serait terminée, il va leur fournir de la semence pour planter. Et quand la nouvelle récolte serait prête, qu'est-ce qui est stipulé? C'est qu'un cinquième de la production serait donné à Pharaon. Le reste appartiendrait aux gens, aux paysans, pour leur nourriture, pour celle de leurs animaux, pour la semence aussi de la prochaine moisson. Donc, ce qu'on remarque, c'est que Joseph est en train d'effectuer une sorte de centralisation, hein, excusez-moi le terme, mais de centralisation étatique. Au profit de qui? Au profit de la monarchie. Et ce qu'on sait aussi, c'est que bien plus tard, quand Moïse va rédiger ce livre, c'est dans cet état-là qu'il va trouver l'Égypte. Donc, ça n'a pas changé. La centralisation qu'opère Joseph, elle va rester permanente. On peut également noter que les moyens de contrôle que Joseph donne à Pharaon vont avoir un effet pervers à long terme, c'est-à-dire qu'ils vont faciliter l'asservissement des Israélites par le Pharaon oppresseur qui va venir quelques siècles plus tard. Sans ces moyens de contrôle-là, impossible de soumettre un peuple aussi nombreux que les Israélites. Et pourtant, les Égyptiens vont les asservir. Mais ça, c'est un autre chapitre, c'est un autre sujet. En attendant, les Israélites vont continuer de posséder leurs terres. Au contraire des Égyptiens qui sont devenus les esclaves de Pharaon, les Israélites vivent séparés des Égyptiens. Ils sont propriétaires de leurs terres. Ils sont libres. Une petite, dans le texte, en passant, ce qu'on appelle la contrée de Ramsès, ça correspond au pays de Goshen. C'est la même chose. Et lorsqu'un jour le pharaon oppresseur va se lever, là, bien des siècles plus tard, le souvenir de Joseph va avoir été oublié depuis longtemps. Mais ça, l'oubli, c'est une constante dans l'histoire. Hein? L'oubli, c'est souvent à l'origine de l'ingratitude. On va retourner à Joseph ici plus particulièrement. Hein? On va s'attarder sur son attitude. Son attitude dans le service. Quand même remarquable. En tout point, il apparaît comme dévoué à son maître. Il y a juste ça dans l'esprit, Joseph, c'est de servir Pharaon du meilleur qu'il peut. Et ça, il est tout dévoué à son maître et il le sert bien. Il est efficace, il est habile en affaires. À la place de Pharaon, j'aurais été enchanté d'avoir un serviteur comme ça. Il est respectueux aussi parce que la première chose qu'il fait lorsque sa famille arrive en Égypte, c'est d'aller la présenter à Pharaon. Donc, on l'a vu dans sa gestion de la famille, Joseph est habile. Et il est intègre. Après avoir vendu le grain qui a été accumulé durant les 7 années de vache grasse, est-ce que Joseph va spéculer pour son bénéfice personnel? Parce que ça aurait été facile de se mettre un peu d'argent de côté. Hein? Est-ce qu'il en profite pour taper dans la caisse? Est-ce qu'il en profite pour s'en mettre plein les poches? Non, ni le grain, ni le gain appartiennent à Joseph. Tout va à Pharaon. Et ça, le Pharaon le sait bien. Il sait qu'il y a un serviteur respectueux et fidèle et intègre. Et en cela, on peut dire que Joseph ressemble beaucoup à d'autres grands intendants de l'histoire hébraïque. Je pense ici à Daniel, que Darius le Perse appréciait beaucoup. Je pense aussi à Mardochée. Un autre type de sauveur qui a sauvé la vie du roi Assuérus en déjouant un complot et qui a indirectement aussi sauvé le peuple juif de la destruction qui était planifiée par Aman. Donc ces trois-là se ressemblent un peu dans leur bonne intendance. Bon, bien entendu, c'est pas Joseph qui a suscité les 7 années de famine. C'est pas lui qui a planifié non plus les 7 années d'abondance. Tout ça, ça relève de Dieu et de son plan. Joseph, ce n'est qu'un instrument ici. Mais c'est grâce à la révélation divine que Joseph a su interpréter et que Pharaon a agréé. Parce que c'est bien beau de faire une révélation puis de la révéler à Pharaon. Il faut que Pharaon accepte l'interprétation. On n'en parle pas, mais Pharaon aussi s'est montré très ouvert d'esprit. Donc, cette vision-là que Pharaon a agréée, là, ça a donné l'occasion à Joseph de proposer un programme pour se préparer aux années de sécheresse et pour gérer au mieux les intérêts de son maître. Donc, Joseph a exercé son pouvoir avec la bénédiction de Dieu, et Joseph a été béni. À travers quoi? À travers une organisation qui a été irréprochable, une logistique excellente compte tenu des moyens du temps. Dites-vous, engranger le blé pendant 7 années de richesse, ça demande une infrastructure. Puis ensuite, distribuer le blé pendant les années de sécheresse, ça demande aussi une logistique assez complexe. Une machine bien graissée. Et le plan de Joseph a permis de sauver le pays. Hein? Il a peut-être coûté aux Égyptiens leur possession et un peu de leur liberté, mais son intervention les a certainement sauvés d'une mort certaine. Donc, si vous aviez été à la place des Égyptiens, qu'est-ce que vous auriez dit? Ah, on a été spoliés? On a été volés? Mais qu'est-ce que disent les Égyptiens au verset 25? Hein, je le cite, « Tu nous sauves la vie. Si nous trouvons grâce à tes yeux, Seigneur, nous serons esclaves du Pharaon. » On peut être plus amer que ça, disons. Donc, Joseph, c'est un type de Christ. De plusieurs manières. Il ressemble à Christ. On en a vu certains types dans les chapitres précédents. Ici, c'est le type du sauveur qui apparaît. C'est le type du bon maître. Hein? Christ, pour nous, c'est le bon maître par excellence. Puis Joseph, c'en est une image. Christ a reçu la domination universelle. Et on sait que bientôt, toutes les familles des nations vont se prosterner devant lui. La terre va être mise en ordre à ce moment-là. Et l'héritage qui a été dévasté va être restauré. Et je cite Hébreux 2:8, « C'est rien ne sera laissé qui ne lui soit assujetti. » Un peu comme la souveraineté de Joseph rehausse celle de Pharaon, bien, la suprématie de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ, sur le ciel et sur la terre, bien, c'est pour la gloire de Dieu le Père. Ça se ressemble. Donc, juste pour conclure cette partie-là, l'accomplissement du rêve de Joseph, bien, du rêve de Pharaon, c'est inséparable de la personne de Joseph. Bon, l'abondance, puis la famine, l'ont fait reconnaître comme étant le soutien de la vie, comme le sauveur du monde, en tout cas de cette partie du monde-là, comme on l'a vu au verset 25. Juste une dernière remarque avant de passer au dernier point, avant de conclure. C'est que, à travers Joseph, à travers l'établissement des Hébreux en Égypte, on voit juste un des très nombreux accomplissements de la promesse qui a été faite jadis à Abraham. Vous vous souvenez quand Dieu a dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en ton nom, parce que tu as obéi à ma voix. » Partout où se trouvent les enfants de Dieu, là, le pays est béni. Et on le voit encore ici. Bon, c'est vrai, Israël a indéniablement prospéré en Égypte. On sait qu'ils se sont multipliés, ils ont trouvé un havre de paix, de la nourriture. Ils ont été protégés de la famine, mais à travers eux, là, c'est l'Égypte tout entière qui a été préservée. Selon ce qu'on voit ici, il semble que personne ne soit mort de faim en Égypte. Et tout ça pourquoi? Grâce à l'administration judicieuse de Joseph. Bon. Si vous avez dormi jusqu'à maintenant, c'est fort possible, bien, c'est correct. Voilà, réveillez-vous. Ce qui suit, c'est le plus important. Le plus important, c'est ce qui s'en vient. Si on s'en tient seulement au chapitre 47 de la Genèse, on a l'impression, on sait que c'est un véritable tournant que va prendre l'histoire de l'Égypte à travers le gouvernement de Joseph. Il y a quelque chose de fondamental qui va changer. Cette centralisation-là, ce changement massif de propriété, c'est quand même méga dans un pays, dans l'histoire d'un pays. Et pourtant, l'histoire de l'Égypte, c'est très long, hein? Le gouvernement de Joseph s'insère dans l'histoire de l'Égypte ancienne et cette histoire-là, ça fait 3000 ans. Avant que Cléopâtre VII s'amène là, sur le trône à l'époque de César, on a 3000 ans d'histoire d'Égypte, déjà. Oui, la Cléopâtre, là, cette fameuse Cléopâtre qui a fait parler d'elle du temps de Marc-Antoine. Okay, cette même-là. Okay. Donc, avant elle, il y a 3000 ans d'histoire d'Égypte. Pharaon, en passant Cléopâtre VII, portait le titre de Pharaon. C'est l'une des dernières. Malgré toute cette longue durée, 3000 ans, là, représentez-vous ce que c'est. Malgré cette longue durée-là, il reste quand même qu'on a des sources antiques, des auteurs de l'Antiquité. Je pense à Hérodote ou Diodore de Sicile, qui nous confirment que les biens de l'Égypte appartenaient aux pharaons et aux prêtres. Ça, ils nous le confirment. Traditionnellement, dans le pays du Nil, les deux grands propriétaires fonciers, c'est l'État, donc le pharaon, et c'est la classe sacerdotale, les prêtres. Donc, les mesures prises par Joseph ont considérablement marqué le paysage. Ceci étant, aujourd'hui, ni les inscriptions, ni les sources antiques, ni l'archéologie, ni l'histoire extra-biblique ne contiennent de traces de Joseph. La seule preuve que l'on ait, c'est la Bible. On n'a pas plus de traces d'ailleurs de l'Exode ni des plaies d'Égypte, soit dit en passant. En tout cas, clair et indéniable. On n'a aucune marque, aucune empreinte. C'est à croire que ça n'a jamais existé. Il n'y a que la Bible qui parle de Joseph, il n'y a que la Bible qui parle des plaies d'Égypte, il n'y a que la Bible qui parle du pharaon après ça. Important ici, absence de preuves, ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé. Et je vous le rappelle, on a la Bible. La Bible qui, elle, nous affirme que ces choses-là ont bien eu lieu. Et qu'elles se sont passées telles qu'elles nous sont rapportées dans le chapitre 47 de la Genèse. Donc, cette situation de silence là, qu'on a parmi les hommes, ça nous laisse devant un choix, finalement, assez simple, assez élémentaire. Est-ce qu'on croit ce que Dieu dit dans toute sa parole? Et je dis bien toute sa parole. Ou bien on n'y croit pas, comme la plupart de nos contemporains le font. Parce que les conséquences de ce choix-là sont énormes. Et pour finir, c'est vraiment sur ce terrain-là que je vais vous entraîner et y rester là, jusqu'à la fin de cet enseignement. Je vais m'efforcer de rester simple et pas vous faire un cours ici. On peut creuser le sujet ensemble, mais on ne le fera pas ce matin et on ne le fera pas ici. Je vais juste vous donner les données du problème et vous rappeler que la parole de Dieu, que Dieu nous a laissée, là, elle est pleine, elle est entière, elle fait autorité, elle est exempte d'erreur, elle est inspirée. On peut avoir toute confiance en elle. Et ça nous laisse devant quand même un choix, c'est-à-dire est-ce que nous croyons que ce texte-là qu'on a sous les yeux ce matin nous a été donné par Dieu lui-même? Si la réponse est oui, bon ben, vous avez raison de continuer d'espérer en Christ, parce que sa promesse est certaine. Mais si vous répondez non, comment est-ce que vous pouvez même être certain que Jésus est ressuscité? Comment vous pouvez l'affirmer sans l'appui de la parole de Dieu, là? Parce que vous le ressentez? Parce que vous en avez une quelconque certitude autre que par la parole de Dieu? Mais comment vous pouvez le savoir? Puis si vous pensez, vous trompez finalement, vos sensations, comment vous pouvez être certain qu'elles sont exactes? Et où votre source de vérité si vous n'avez pas la parole de Dieu? C'est ça les données du problème. C'est parce que la vérité pour nous croyants en Jésus-Christ, là, elle se manifeste par sa parole. En latin, on dit la scriptura sola, la parole seulement. Sans elle, il n'y a aucun moyen de connaître Dieu. Et il y a encore moins moyen de connaître, de comprendre quelle est sa volonté pour nous. Sans parole, pas moyen. Je vous donne un autre fait intéressant. Dans la Genèse et dans l'Exode, les noms de tous les pharaons qui vont intervenir ne sont pas mentionnés, à moins qu'ils s'appellent tous pharaons, ce qui m'étonnerait. Bien, leur nom n'est pas mentionné. On ne sait pas de quel pharaon il s'agit. On ne sait pas, par exemple, on ignore le nom du roi auquel Abraham a eu maille à partir. On l'ignore. On ne sait pas c'est qui. On sait juste que c'est un pharaon. On ignore le nom du pharaon qui va régner du temps de Joseph. On ignore le nom du pharaon oppresseur qui va se lever du temps de Moïse et du temps de l'Exode. On ignore les noms de ces pharaons-là. En fait, c'est comme si Dieu avait voulu volontairement ici omettre les noms pour nous amener à plus de foi en sa parole. Simple supposition de ma part, parce que je ne lis pas dans les pensées de Dieu, bien évidemment. Je fais juste constater que les noms ne sont pas mentionnés. Et ça, c'est par contraste avec d'autres endroits dans la Bible où les noms des pharaons sont explicitement mentionnés. Je pense à 2 Rois, chapitre 23, où il est question d'un écho 2 qui va assiéger, qui va envahir Juda. Là, on sait très bien dans quelle époque de l'histoire on se situe. Parce qu'il est possible de faire des recoupements avec l'histoire profane. Bon. Les pharaons de la Genèse ne sont peut-être pas identifiés précisément. Ça n'empêche pas qu'ils ont bel et bien existé. et qui ont agi conformément à ce qui était écrit dans la parole, dans le récit biblique. Et ça, ça nous force à y croire. Ça nous force à croire que ce que Dieu dit dans sa parole, c'est exact, c'est authentique. Et ce qui est décrit, ça s'est vraiment déroulé. Souvenez-vous, toute Écriture est inspirée de Dieu. Hein? 2 Timothée 3,16. Ces paroles-là, ça ne veut pas dire que la Bible contient seulement la parole de Dieu ou contient un peu la parole de Dieu. Non. Ça veut dire qu'elle est tout entière inspirée de Dieu. L'Écriture, c'est la voix de Dieu. C'est la voix qui nous parle directement à nous, créatures. Et puisqu'il en est ainsi, puisque c'est sa parole, puisque c'est sa voix, elle requiert notre adhésion par la foi. Et qu'est-ce que la parole de Dieu si Dieu n'en est pas la source? Réfléchissez à ça. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui a parlé dans l'Ancien Testament par les prophètes. C'est lui qui a parlé par son Fils Jésus qui est la parole vivante. Souvenez-vous. Pourquoi est-ce qu'on s'attache autant à l'inspiration et à l'autorité des Écritures? Parce qu'on croit tout simplement. On croit à Dieu quand il nous dit que sa parole, que les Écritures qu'on appelle la Bible, elles sont sa parole. Et uniquement et rien d'autre que sa parole. Désolé d'insister là-dessus ce matin, mais c'est vraiment important. Parce qu'abandonner cette vérité-là et cesser d'y croire, là, c'est renoncer à l'épée qui nous permet de nous défendre contre les mensonges du diable et de l'adversaire. Sans parole, vous êtes dépourvus. L'épée du croyant, c'est la parole de Dieu. Sans elle, il n'y a aucune certitude face au doute. Il n'y a aucune certitude, pas même sur la certitude du salut en Jésus-Christ. Donc, ne faisons pas comme nos contemporains là, qui contestent l'existence des faits bibliques juste parce qu'ils n'ont pas existé, parce qu'ils ne sont pas manifestes, parce qu'ils ne sont pas visibles. Parce que l'histoire extra-biblique ne les mentionne pas. Puis en passant, contester les faits bibliques juste un petit peu, bien finalement, c'est contester qu'ils soient attestés de Dieu, et au final, c'est contester l'autorité même de Dieu. Avec les conséquences qui s'ensuivent. Bon, c'est vrai que le langage humain puis les représentations culturelles et mentales, spécialement celles du Proche-Orient, ça se retrouve dans la Bible. Mais ce n'est qu'un véhicule pour exprimer la véritable pensée, la véritable volonté de Dieu. Et les paroles elles-mêmes ont été choisies par Dieu, données par inspiration divine. Je vais vous parler un peu de l'inspiration ici. Parce que Dieu, dans sa bonté, a veillé sur sa révélation, sur les Écritures, sur sa parole, la parole qui nous a été donnée, qu'on appelle la révélation. C'est par son esprit qu'il a su guider les écrivains bibliques, les prophètes, tous ceux qui ont rédigé les textes. Parce que la Bible, c'est une collection de textes. Vous savez, ça n'a pas été écrit par une seule personne. Il a su guider les écrivains bibliques de telle sorte que ceux-ci ont reçu non seulement le sens général des révélations pour l'exprimer à leur manière, mais ce sont les paroles mêmes de Dieu qui leur ont été données. Tout ça pour que nous, les croyants de tous les âges, de toutes les cultures, de toutes les langues, on puisse avoir un fondement divin et incontestable pour notre foi. La parole incontestable de Dieu, c'est le fondement de la foi, comme nous dit 1 Corinthiens 2. Toutes ces choses relatées dans la parole de Dieu, librement données de Dieu, nous sont enseignées de l'Esprit. Donc, elles sont pleinement d'origine divine, et ces paroles-là sont sans aucun mélange d'infirmité et d'erreur. Ça, c'est la garantie qu'on a. La garantie de la valeur, là, pour employer un terme très... d'un terme de mon métier. Notre responsabilité à nous dans tout ça, c'est d'y adhérer par la foi. Rien d'autre à faire que ça. On a déjà la nature à l'extérieur qui manifeste pleinement la gloire de Dieu. On est inexcusable de le nier. Mais en plus de ça, Dieu, dans sa grâce divine, nous a donné quelque chose de plus, encore plus d'informations, pour nous inciter à croire en lui. Il s'est manifesté dans sa parole qui est le témoignage de son œuvre et de sa volonté par son Fils Jésus. Parce que c'est une autre chose qui est importante. Christ est le grand sujet de la Bible. Tout tend vers lui, tout se résume à lui, tout se rapporte à lui. La Genèse, l'histoire de Joseph, tout l'Ancien Testament, ça mène à lui. Puis le Nouveau Testament, ça confirme pleinement la source divine de l'Ancien. Il y a plein de passages pour le prouver. Je vous en donne un, Pierre 1, 10 et 11. Ce passage-là nous dit que les anciens écrivains bibliques, qui étaient remplis par l'Esprit de Christ, ont rendu par avance témoignage des souffrances de Christ et de la gloire dont elles seraient suivies. Donc, par conséquent, de fait, il n'y a aucun passage, aucun verset, aucune prophétie de l'Écriture qui puisse s'interpréter par elle-même. La Bible s'interprète par la Bible. Parce que la portée de tout ce qui est écrit ici, ça ne se limite pas à des faits isolés ou à des prophéties qui pourraient se révéler exactes. Ce n'est pas ça dont il est l'objet ici. Tout dans la Bible a rapport avec le reste des Écritures. Et les Écritures ont rapport à Jésus-Christ qui est le centre des Écritures. C'est le salut en Jésus-Christ, la gloire de Christ, c'est l'établissement de son royaume. C'est ça dont il est question. Et les écrivains bibliques, loin d'être abandonnés à eux-mêmes dans leur petit cubicule, sans aucune inspiration. Non, ils ont été poussés par l'Esprit-Saint. Ils ont parlé de Christ sous la puissance de l'Esprit-Saint. Et la preuve suprême de la valeur que notre Seigneur Jésus accorde à l'Écriture, là, on le voit quand il dit au diable, « Il est écrit ». Il se sert de ça pour repousser la tentation et pour repousser les mensonges de l'adversaire. Il se sert de la Bible. Il est écrit. Donc, si on a l'exemple ici qui vient de Jésus lui-même, c'est à nous de suivre l'exemple par la foi. Et que Dieu nous vienne en aide, que Dieu nous vienne en aide vraiment pour qu'on ne faiblisse pas. Que notre volonté de suivre cet exemple-là ne faiblisse pas. Donc, n'écoutons pas nos contemporains, ce sont les produits d'un monde qui est fermé à l'Évangile. Nos contemporains ont rejeté l'Évangile, ont rejeté la parole de Dieu. Ils l'ont rejeté principalement pour ce qu'elle est, la parole véritable de Dieu. On entend sans cesse, là, sous une forme ou sous une autre, hein, oui, la promesse de son avènement, hein, comme nous dit 2 Pierre. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme le commencement de la création. Il ne s'est rien passé, il ne se passera rien plus tard. C'est certain que si vous n'avez pas le renfort de la parole de Dieu, vous n'avez aucune certitude que ces choses-là vont se passer. Et en passant, entendre, ça ne veut pas dire qu'il faut écouter. Au contraire, continuons d'espérer. Continuons d'espérer parce que la promesse, elle est certaine et on le sait par la parole. Voilà. Bonne semaine.